Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui le premier retour dans le podcast. He's back, ladies and gentlemen, Mr. Roni. Oh yeah, baby, how are you? I'm fine. Donc c'est le premier podcast bilingue. C'est ça. Bon Roni, ça fait plaisir de te retrouver. Tu nous avais fait un épisode, épisode 6 si je ne dis pas. Ouais, c'est ça, le sixième, ouais, exactement. Sixième épisode. Et donc là, tu es de retour. Tu es le premier qui revient nous raconter des anecdotes. Oh, superbe. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à tous les amis qui nous ont fait l'honneur de raconter des anecdotes. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à vous me contacter. Et on fait un petit épisode comeback. Ok. Voilà. Donc Roni, tu avais plusieurs nouvelles anecdotes, peut-être une ou plusieurs. Ah ouais, une ou plusieurs. Moi j'en avais une. Alors il y en a qui, ceux qui me suivent ou qui me côtoient la connaissent. J'avais joué à La Grange à Tours. C'était c'est une chicha. Ah. Et toi-même, tu sais que jouer en chicha, c'est compliqué. Oui, j'ai commencé dans les chichas, je sais ce que c'est. Voilà, et si tu veux, moi, ce jour-là, tu vois, j'étais chaud. J'avais préparé du nouveau. On m'avait dit que c'était chaud de jouer en chicha, mais je me suis dit pourquoi pas. Et attends, juste une chose là, parce que tu me choques. Vas-y. C'est-à-dire, tu es parti en chicha, donc tu savais que c'était chaud. Ouais. Et t'es parti avec du nouveau. Ouais, je suis parti. Tu es parti tester en chicha. Ouais, alors tester, en fait, si tu veux, par rapport à mon jeu. Parce que bon, moi, je fais de, si tu veux, un peu des imitations. D'accord. Je joue beaucoup. Testé une nouvelle mise en scène en fait. Voilà. Non, parce que sinon j'allais dire, on peut te retrouver sur ta page Le Kamikaze. Le Kamikaze. Voilà, exactement. Le Kamikaze de l'humour. C'est ça. Et si tu veux, je me suis dit, bon, je sais qu'en chicha, faut parler un petit peu aux gens, faut avoir des sujets. Voilà quoi. Ouais, faut y aller frontalement. En fait. Exactement. Et moi, je me suis dit, bon, ben vas-y. Sauf que moi, j'avais invité une vingtaine de mes potes. Ouais. Tu vois, en mode, allez, on y va. Ouais. Et en fait, je pense en deuxième. Et si tu veux, tout le monde commence à fumer. Et on ne voit plus rien dans la chicha. Donc ça fait que moi je joue, tu vois, je commence à imiter, je commence à jouer, je fais un sketch sur la salle de sport. Et, oui. Et mon classique quoi. Et si tu fais des trucs visuels. Voilà, ah là, ah ben, c'est mort. Sauf que 10 minutes sans un rire, sans un bruit, il y a juste le bruit de la chicha. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Ouais, c'est un sacré tunnel. Exactement. Et le pire, c'est qu'en sortant, en fait, la fumée commence à se dissiper. Il y a ma copine et mon meilleur pote qui sont là. Et tout le monde s'est barré quoi. Donc en fait je suis sorti. Ils m'ont même pas attendu, même pas de waouh, c'était dur, personne est resté. Ouais. Quand même les gens qui sont venus te soutenir quittent la salle, c'est très très dur. C'est très très dur. Ça a duré combien de temps ta convalescence à l'hôpital après? Ouais bah écoute, ça fait un an. Ouais bah je m'y suis remis hier quoi. Donc Ah non, c'est dur. Et là, franchement, message au soutien de Roni. Vous avez abusé, les frères. Vous avez abusé, sans déconner. C'était chaud. Sérieux. Non, là, c'était abusé. C'était vraiment abusé. Parce que quand vous venez soutenir un artiste, dites-vous qu'il a besoin de vous à la fin, tu vois. Parce que justement, là, il a pas pu avoir le soutien du public. Parce que de toute façon, dans une chicha, t'as rarement le soutien du public. C'est ça. Et voilà. Donc, il aurait fallu que vous soyez là, que vous restiez, que vous lui prépariez, genre, un plaid, un truc comme ça, tu vois. Histoire de le... T'inquiète pas, ça va aller. Tu sais que quelqu'un lui caresse la tête en même temps, t'inquiète pas, il y en aura d'autres, ça ira mieux la prochaine fois. Voilà, des trucs comme ça. Une petite couverture de survie, mais quelque voilà, chose, rien, sûr, un pépito, quelque chose. Tu sais, des couvertures en aluminium, là, tu sais, que tu vois chez les pompiers et tout. Normalement, c'est ça qu'il faut après une chicha. Exactement, c'est ça en fait. Il n'y a rien du tout. Après, bon, tu vois, il y avait deux passages. Le deuxième passage, pour te dire à tel point j'étais. J'étais traumatisé. Démoralisé, ouais, j'ai pas voulu passer. Et c'est un humoriste qui est venu, hein, Ben Tyler, que je remercie encore, qui m'a dit écoute, là, on est tous des soldats. Si tu veux qu'on te valide, faut le faire quand même, tu vois. Il m'a dit, ça se trouve, c'est moi qui vais bider là, je voulais pas le faire. Et un humoriste passe, et j'entends, moi j'étais au fond, j'étais vraiment caché en mode, je suis dans le public maintenant, tu vois, je suis spectateur. Et j'entends ceux, pendant que le premier passe, les autres qui font, oh, c'est pourri, éclaté, non, next, il next. Il essayait de le décourager, quoi. Et moi, j'ai fait quoi? Il veut que je passe après, je suis passé après. J'ai fait quoi, 4-5 minutes, mais vraiment en mode freestyle, à jouer vraiment un peu sur la couleur de peau, les choses juste comme ça. T'as parlé, t'as fait du crowd work, quoi. Voilà, exactement. T'as parlé directement au public. Ouais, je suis venu, j'ai fait bon, ben voilà, je suis passé, j'ai vu des gens voilà, me regarder un peu chelou. C'est pas une ombre qui vient de passer à côté de vous. S'il y a vraiment quelqu'un, vous rendez compte, il y a tellement de fumée que même si les pompiers veulent sauver quelqu'un, ils peuvent sauver personne, quoi. C'est mort, quoi. Et donc, du coup, ça a commencé à bien prendre. Sauf que, ben voilà, moi j'ai dit à mes potes ensuite, ouais, ben vous auriez dû rester à la deuxième, j'ai cartonné. Ouais, tu vois, ils sont même pas revenus à la deuxième. À la deuxième, ils sont pas revenus, ils sont partis avec des messages. Ouais, on bosse demain. Voilà, donc. Balance pas les noms, mais mon dieu. Ouais, donc. Pas cool. Ouais, donc c'était chaud bouillant. Et écoute, voilà, c'était une expérience unique, hein. Ouais. Je peux dire que oui, je l'ai fait, mais c'est tout. Je ne le ferai plus. On sent que t'es pas programmé tous les samedis là-bas. Non. Non. Puis non. Franchement, non. Il y a des endroits où tu sais où tu peux jouer, tu sais que ça va prendre. Évidemment, non, mais. Mais là, ouais. Les chichas, on va pas se mentir. Tous les humoristes qui nous écoutent le savent. Les chichas, c'est très difficile, ouais. Mais on y va tous parce que ça paye bien. Et moi, c'est je n'étais pas payé. Voilà. D'accord. Du coup, je confirme, retrouvez-le sur sa page Le Kamikaze de l'humour. Voilà. Oh mon Dieu. Tu avais d'autres anecdotes ? Non, franchement, non, celle-là, elle m'a bien marqué. Okay, je pense que c'est déjà assez. Hein. Il faut que les gens viennent me voir quand même après. C'est ça. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'a pas que des galères hein, ouais, aussi. Hein. Ouais. Vous pouvez aller le voir de temps en temps, ça marche. Oui, c'est ça. Exactement. Après, faut bien préciser que des fois, tu peux bider en chicha parce que les artistes qui cartonnent en chicha ne cartonnent pas forcément sur scène et vice versa. Oui. C'est très dur d'être aussi bon en chicha que sur scène. Mais voilà, après, ça dépend du style, ça dépend de plein de choses. Et moi, j'ai été éclaté, comme on dit. Ouais, mais t'inquiète pas, on s'est tous fait déjà éclater en chicha. Moi-même, j'avais joué une fois dans une chicha à Paris. Et on était bien payé, donc ça va, j'ai accepté. Ouais. Mais je savais que j'allais au. Tu sais, c'était le peloton d'exécution, tu vois, je le savais. Non, mais... Et j'y suis allé et tout, j'ai joué. Et tous les collègues m'ont dit, t'inquiète pas, on va tous bider, ça va pour tous, ça va mal se passer, tu vois. Ouais. Et en effet, on a tous bidé, sauf un peut-être, un qui faisait des imitations. Ouais. Et qui a imité Booba et tout, donc forcément ça les a attrapés quoi. Ouais, tu vois, bah ouais. c'était vraiment leur univers et tout. Mais sinon tous les autres on a bidé. Et moi j'avoue, ils ont quand même été corrects, on va dire. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas dit dégage, éclaté ou je sais pas quoi. Tout ce qu'ils m'ont fait, c'est genre le pire, c'est qu'il me restait 40 secondes quoi. Ouais. Ils ont pas pu patienter. Il me restait 40 secondes et je voyais des gens qui me regardaient, tu vois, autour le premier rang, on va dire, autour de moi, parce que c'était en cercle. Les deux trois premiers rangs, ils m'écoutaient, ils rigolaient, ils étaient à fond. Les autres, ils s'en fichaient. Tout ce qu'ils voulaient, c'était fumer leur chicha. Ah, bah. À la fin, ils m'ont juste sorti de scène entre guillemets en m'applaudissant. Tu sais, en mode allez next, mais ça va. C'était propre. Ah là là, bah oui. Je préfère ça qu'un ouh dégage machin, tu vois. Ils m'ont juste applaudi et je suis sorti de scène. C'est ça, c'était voilà. En mode allez, c'est bon, t'as écouté, allez. Exactement. La bonne nouvelle c'est que si quelqu'un me demande comment ça s'est passé, écoute, ils m'ont applaudi jusqu'à la fin. C'était génial. Voilà. C'est clair. T'as gagné combien ? J'ai failli gagner de l'argent, mais j'ai perdu mon amour propre. Ouais, c'est pas grave. Oui, mais dis-toi, au moins, t'as gagné de l'argent. Bah, voilà. J'avoue que sur ce coup-là, je l'ai accepté pour ça. D'ailleurs, j'étais venu jouer toute une semaine sur Paris, et c'est grâce à ça, justement, que j'ai pu rentabiliser ma semaine, en fait. En un seul passage chez eux, en un seul passage dans cette chicha, je veux dire, j'ai rattrapé tous mes frais de la semaine, tous mes repas, le transport, tout. Ah, bah super. J'y suis allé en connaissance de cause. Ouais. Je savais ce qui m'attendait. Ah ouais, j'ai commencé en chicha, donc je sais que c'est dur. Ah ouais, moi, non, j'y suis allé, j'ai joué dans ma ville, j'ai bidé devant mes potes, j'étais pas payé. Le retour fut très long, voilà. Donc, puis bon, après, il faut remonter quoi. Ouais, ouais, ça a été long de changer de nom et d'adresse ou pas ? Ouais, quand même, ouais. Je viens de changer la poste vient de changer le truc pour la boxe là, il y a pas longtemps. Donc, ça va, c'est cool. Donc, En tout cas, merci beaucoup. Et puis, d'ailleurs, je fais de la poterie maintenant. Donc. Bah oui, là, il n'y a pas de problème. Oui, non, ça y est, retrouvez-le sur sa page Atelier de poterie, Ronnie. Et vraiment. J'irai pas jusqu'à dire que je te souhaite d'avoir d'autres galères. Ouais. Mais tu sais que tu seras toujours le bienvenu dans le podcast. Ouais, ça marche. Avec plaisir. Dans quelques années, mesdames et messieurs, c'est la cinquième fois qu'il vient nous voir. Encore une chicha, je parie. Et allez. Merci à toi pour ce premier épisode comeback. Merci beaucoup. Merci à toi de l'invitation. C'est avec grand plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux ? Alors sur Instagram, Ronny Humour, R-O-N-Y, humour tout attaché. Puis sur Facebook, Ronny, R-O-N-Y. Voilà. Parfait, avec grand plaisir. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.